Les feuilles mortes. Le 2 octobre 1990 tombe un mardi. C'est le 5e anniversaire du décès de Julien. Faustine allume une bougie à sa mémoire. Les mois d'octobre, novembre et décembre 1990 sont plutôt calmes au bureau. Par contre, en ville, on cause du premier cas de maladie de la vache folle. De Florence Artaud aussi, qui vient de remporter la route du Rhum. Et surtout d'une commission d'enquête parlementaire qui révèle l'existence en Suisse d'une armée secrète au nom de code P26, créée en 1979 sans l'aval du Parlement, mais néanmoins financée avec des fonds publics. On découvre également un service secret de renseignement, le P27, qui effectue des missions de surveillance à l'intérieur du pays, lequel se remet à grand-peine du scandale des fiches. Faustine et sa famille lisent avec passion tout ce qui se rapporte à ces événements politiques qui ont commencé avec la démission de la première femme conseillère fédérale jamais élue, Elisabeth Kopp. Madame Kopp avait prévenu son mari qu'une enquête allait être ouverte contre lui pour blanchiment d'argent issu de la drogue. Bien sûr, le vulgus pecum ne reçoit que des miettes d'informations, mais en attendant, l'affaire fait grand bruit. Tous les ingrédients d'un bon feuilleton policier sont présents. Défilé de 30 000 personnes à Berne contre l'État fouineur, assassinat d'un ancien directeur de la P26 qui avait promis de faire toute la lumière sur les armées secrètes pendant les travaux d'investigation, etc. Les plus belliqueux, jusqu'à 300 000 personnes, exigent un droit de regard sur leurs fiches. On ne pourra plus dire que les fonctionnaires ne fichent rien. Autre nouvelle au milieu de tout ce grand guignol, Maggie Thatcher démissionne le 22 novembre 1990. Décidément, il s'en passe des choses un an à peine après la chute du mur. Mi-décembre, pendant qu'un nouvel événement historique se profile, la jonction du tunnel sous la Manche, on organise la fête de Noël du bureau. Cécile demande à Faustine de réserver une table au Beau Rivage, un hôtel-restaurant hyper select, pour le vendredi 21 au soir. Dans l'après-midi, la comptable vient présenter les comptes avant le bouclage de fin d'année. Puisqu'il termine relativement tard, Zézé l'invite à les rejoindre, sa propre femme ne pouvant être présente. Ce soir-là, il raccompagne Faustine chez elle et ordonne « Faites-vous belle, je compte sur vous pour me faire honneur ». Il n'en faut pas plus pour que la jeune femme parte en crise d'angoisse. À peine franchie la porte de l'appartement, elle fond en larmes devant une maman d'abord étonnée puis furieuse quand elle entend la sempiternelle phrase « Y'a rien à mettre, je suis en dessous de tout, je vais lui faire honte !»« Tu es stupide, ma fille. À ton âge et avec ton physique, n'importe quel chiffon te va. Tu ne devrais pas te laisser impressionner, tu vaux mieux que ça. Va prendre une douche, ça te rafraîchira les idées. »« Mais tu te rends compte, maman, on va au Beau Rivage !» L'endroit le plus chic de Lausanne, et pour une fête de bureau en plus. Et alors, il t'a donné une augmentation pour t'habiller mieux? Il se prend pour qui? Tiens, c'est une idée, ça. Je vais lui demander lundi, répond Faustine qui retrouve un semblant de sourire. Finalement, un joli chemisier, un peu de maquillage, et tout rentre dans l'ordre. Maman lui prête son manteau en fausse fourrure, celui qui ressemble à un couvre-lit, puis on finit par trouver des chaussures adéquates. Heureusement que mère et fille ont exactement les mêmes petits petons. Avec tout ça, Faustine n'est pas en avance. Elle saute dans un taxi. Au Beau Rivage, les apercevant de loin, elle se dépêche de rejoindre les invités, installés autour d'une table ronde. En chemin, elle laisse nonchalamment tomber son manteau dans les mains du préposé au vestiaire. Personne ne remarque sa tenue modeste, jupe droite et chemisier en soie tout simple. Immédiatement, Zézé commande une tournée d'apéritifs. Monique, la comptable, opte pour un martini dry, l'associé et Zézé prennent le kir maison et Faustine commande un jus de tomate. Chez les alcooliques anonymes, on apprend très vite à avoir toujours une boisson sans alcool en tête pour toutes les occasions. Mais Zézé ne comprend pas. Pas d'alcool? Non, merci, je ne bois pas. Ah bon? Jamais? Non. Jamais. Vous n'avez jamais bu d'alcool de votre vie. Ça alors, c'est extraordinaire, interrompt la comptable. Je n'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui ne boit pas du tout. ce qui dispense Faustine de répondre par un gros mensonge. Elle aurait bien aimé lui river son clou en avouant la vérité, mais ça serait lui démontrer par la même occasion qu'il a engagé une alcoolique. Il perdrait la face devant ses invités, et elle, sa place. Vous vous privez des bonnes choses de la vie, c'est dommage, vous ne voulez pas essayer un tout petit peu? Non merci, sans façon. Et vous ne prenez pas de vin non plus, insiste l'associé. Non plus. Comme votre vie doit être triste et plate. Faustine est malheureusement trop jeune en sobriété pour répondre du tac au tac. Elle est trop novice également pour ne pas souffrir de ces attaques ironiques. Comment expliquer à son patron que l'on a certainement déjà bu plus d'alcool à 35 ans que lui à 50? Stoïque, elle se contente de sourire et prie le ciel qu'on passe à autre chose. Hélas, la meute est lâchée. Pendant tout le repas, on ne parlera que d'alcool. De l'associé à la comptable, en passant par Zézé, chacun évoque sa première cuite, les meilleures bouteilles bues et dans quelles circonstances. Tout y passe jusqu'aux alcools distillés clandestinement à domicile avec les poires du jardin. Pour finir, c'est à qui racontera l'anecdote la plus scabreuse. Après l'apéritif, on passe au vin, puis au dessert alcoolisé et enfin au café arrosé. Faustine a terriblement soif. Mais les bouteilles d'eau minérale, elles sont hors de prix, vous avez vu, Rospetzézé, ne suivent pas. Faustine tient bon. Une fois passée la première gifle émotionnelle, elle savoure son repas, répond par monosyllabes, rit à bon escient, en attendant que ça passe. Que faire d'autre? Elle meurt d'envie de leur raconter ses propres expériences de beuverie. C'est pour le coup qu'ils ne rigoleraient plus. Un jour, elle en sera capable, elle le sait. En fin de soirée, elle ne s'attarde pas, remercie poliment et saute dans le premier taxi. Le lundi suivant, Zézé semble avoir tout oublié de cette étrange soirée, se montre de très bonne humeur. De fait, étant donné qu'il ne va rien se passer durant les fêtes, autant que Faustine prenne des vacances. Il va faire de même et filer à Sainte-Maxime avec madame sitôt qu'il aura terminé les bulletins de salaire et ses propres paiements. Installé derrière le bureau d'appoint, juste en face de Faustine, ils discutent de choses et d'autres. Faustine, à son tour, lui raconte la prana et la profonde amitié qu'il a liée à Jacques. Du fait aussi qu'il appréciait tellement son implication dans le travail qu'il l'avait augmenté à 3 reprises dans la première semaine. Le message serait-il passé? Toujours est-il qu'avant la fin de l'année, elle reçoit un courrier stipulant que son salaire sera augmenté à partir du 1er janvier suivant. Elle est pas belle, la vie? Papa, maman et Faustine passent de jolies fêtes de Noël malgré l'absence de Stéphane et de son épouse qui refusent toujours de rejoindre la famille. Maman a offert un bel appareil photo à Faustine. De son côté, elle a reçu la robe de chambre hollywoodienne dont elle a toujours rêvé. Seul nuage noir de ses vacances, le soir du réveillon, ils ont diffusé Histoire d'eau à la télévision. Déjà, il faut oser. Ensuite, papa a insisté pour venir le voir. Faustine a été épouvantablement embarrassée de visionner un tel film en compagnie de ses parents. Mais maman était curieuse de voir ce que c'était et ne voulait pas regarder autre chose. Impossible de se retirer dans sa chambre un soir pareil. Faustine était coincée. Comble d'impudence, papa a commenté chaque scène, gâchant tout l'intérêt du film. Selon lui, il manquait des détails primordiaux par rapport au livre, que, bien sûr, il connaissait par cœur. Pendant une demi-heure, il a développé des détails techniques très intimes. C'était gênant, franchement. Faustine aussi avait lu le livre. Elle n'aime pas jouer les pudibondes. Elle n'a rien contre les fantasmes ni l'érotisme, pour autant qu'il n'y ait pas de confusion malsaine avec de la pornographie. Heureusement, papa a fini par s'en aller, après les feux d'artifice célébrant la nouvelle année. Vivement lundi !